Chapitre 45e, l'expiation. Lady Ongar était à Tenby quand elle reçut la lettre de Mrs. Clavering qui lui apprenait la mort de son beau-frère. Seule à Tenby avec une femme de chambre, elle songeait encore à ce sacrifice complet qu'elle voulait faire de toute sa fortune. En venant sur le bord de la mer, elle avait espéré faire diversion à ses tristes pensées. Elle s'était proposée de faire de longues promenades, de lire, d'étudier, de se livrer à quelque travail. Elle voulait aussi voir quelle était la plus faible somme qui pût lui permettre de vivre décemment, à l'abri du besoin, et c'était là tout ce qu'elle voulait garder de la fortune de Lord Ongar. Sa solitude lui était devenue plus pesante encore à Tenby qu'à Londres. Les gens la regardaient encore davantage, et le confort de la ville lui manquait. La lecture, distraction sur laquelle elle avait compté, lui parut infiniment moins facile qu'elle ne l'avait espéré. Lire paraît chose facile, mais c'est un travail tout comme un autre, et celui qui a vieilli sans contracter l'habitude de la lecture trouvera plus facile d'apprendre un métier manuel que de se mettre à parcourir avec attention et profit les pages d'un livre. Lady Ongar, entourée de livres, ne pouvait parvenir à en lire aucun, et elle dépérissait d'ennui quand elle reçut la lettre de Mrs. Clavering. Grande fut sa surprise en apprenant la mort de ces deux hommes, de celui qui avait été son ennemi, car elle avait toujours regardé Hughes Clavering comme son ennemi, et de celui qui avait naguère encore sollicité sa main. Elle était loin de s'en réjouir. Mais à sa surprise et à son émotion se mêlait un sentiment vague de soulagement. Son beau-frère avait été le fléau de sa vie, et c'était à lui qu'elle avait dû le triste accueil qu'on lui avait fait à son retour en Angleterre. Désormais, elle pourrait rejoindre sa sœur et sa solitude allait cesser. Quant au pauvre Archie, elle eut presque une larme pour lui quand elle pensa à son triste sort. Tout sot, tout dépourvu d'intelligence et de qualités aimables qu'il avait été, ses défauts même inspiraient de la pitié. Hughes était odieux, mais Archie simplement digne de compassion parce que la nature avait été ingrate pour lui. Et puis, cet homme était venu offrir son cœur à Lady Ongar. Peut-être bien aussi venait-il demander son argent en retour, mais malgré tout, une femme éprouve toujours quelque sympathie pour l'homme qui lui a offert d'unir son sort au sien. Elle accorda donc quelques regrets au pauvre Archie Clavering. Puis sa pensée se porta sur Harry. Désormais, il allait avoir de la fortune, mais il ne la tiendrait pas d'elle et il la partagerait avec Florence Burton. Si elle lui fut restée fidèle quand il était pauvre et eût attendu jusqu'à présent qu'elle ne serait pas son bonheur, Sir Harry Clavering serait désormais un personnage dans son comté, un mari que sa femme verrait avec orgueil se promener au milieu de ses fermiers, de ses gardes-chasse, ou plus tard, solliciter auprès de ses voisins leur voix pour un siège au Parlement. Il ferait part à ses femmes de ses projets et de ses espérances, ferait d'elles la compagne de sa vie. Nul ne ferait meilleure figure dans une grande maison à la tête d'une grande fortune. Tel était l'homme qu'elle aurait pu avoir pour époux et qu'elle avait perdu. Elle écrivit de suite à sa sœur qu'elle allait la rejoindre à Clavering et partit le lendemain. Elle était arrivée quand M. Fielding fit son sermon, mais elle n'entendit pas cet éloquent discours et resta longtemps seule renfermée avec sa sœur. La première personne qu'elle vit fut Mrs. Clavering. Celle-ci la trouva plus belle que jamais, mais de cette beauté sévère que certaines femmes conservent dans la maturité de la vie et qui n'est pas l'éclat de la jeunesse. Lady Ongar fut froide et réservée dans cette entrevue. Elle n'avait pas revu Mrs. Clavering depuis le jour où elle était sortie comtesse de l'église de Clavering. Elle voulait voir l'accueil que lui ferait la nouvelle Lady Clavering. Celle-ci savait sans doute tout ce qui s'était passé entre elle et Harry. Il convenait donc de garder une attitude fière devant elle. Mais avant la fin de la semaine, la femme du recteur avait désarmé Lady Ongar par sa douceur, et la pauvre femme se sentait portée à épancher ses chagrins dans son sein. Un jour, Julie l'appela Lady Clavering, mais Mrs. Clavering la pria de l'appeler comme autrefois. « Plus tard, nous verrons, » dit-elle, « mais à présent, ce sera rappelé à Hermione la perte qu'elle a faite. Attendons encore. » La sœur de Lady Ongar était en effet toujours douloureusement absorbée par la pensée de son récent veuvage. Elle regrettait son mari comme s'il eût été le modèle des hommes. Elle aimait à se rappeler ce dernier baiser qu'elle lui avait donné, les dernières paroles qu'elle lui avait dites. Elle oubliait qu'il l'avait quittée sans prendre garde à ses paroles, sans même essayer de dissimuler sa profonde indifférence à son égard. Elle se persuadait qu'il avait été bon pour elle, et ses illusions de son amour contribuaient un peu à calmer sa douleur. Julie, au contraire, ne pouvait souffrir d'entendre faire l'éloge de Sir Hughes. Elle s'y résigna, mais avec peine, quand elle vit que c'était inévitable. « Si nous devons rester ensemble, comme je l'espère, » dit-elle un jour à sa sœur, après une longue discussion à ce sujet, « nous ferons bien de laisser le passé de côté. Voulez-vous dire que je ne devrais jamais vous parler de Hughes ?»« Non, ce n'est pas là ce que je veux dire. Mais vous me feriez plaisir de ne pas me parler de ses bontés pour moi. Il n'a pas su quelle vie j'ai menée avec mon mari, et il m'a mal jugée. C'est pourquoi je désire que le passé soit oublié. » Quelques jours plus tard, Lady Clavering parlait de quitter Clavering Park. Elle avait refusé l'offre de Mrs. Clavering, qui voulait l'y retenir, et était résolue à aller vivre ailleurs avec le douaire qui lui revenait. Il ne lui paraissait pas possible, disait-elle, de rester avec sa sœur, qui aurait un train de maison fort différent du sien. « Je ne pense pas qu'il doive y avoir une si grande différence entre nous deux, » dit Lady Ongar en présence de Mrs. Clavering. « Il y aura une différence au moins dans le revenu, » dit cette dernière, « mais je ne vois pas qu'Hermione doive en souffrir. » « Je n'aimerais pas à dépendre de ma sœur, » dit Hermione. « Eh bien, vous n'aurez nul besoin de renoncer à votre indépendance, » dit Julie avec un sourire mélancolique. Puis, prenant une expression sérieuse, « Le fait est, dit-elle, que je ne veux pas garder l'argent de Lord Ongar. » « Vous n'y pensez pas, » dit Hermione. « Non, je veux le rendre à ses parents. » « Ou au moins en rendre la plus grande partie. Pourquoi le garderais-je ? Mais il est à vous, » dit Mrs. Clavering. « Oui, légalement, il est à moi, je le sais. Si on avait voulu me le disputer, j'aurais lutté jusqu'à la dernière extrémité. C'est ainsi qu'on a prétendu me refuser Ongar Park. J'ai maintenu mes droits. Maintenant, sa famille a cédé, je viens de lui rendre cette maison. Est-il possible ? » dit sa sœur. « Vous avez été bien généreuse, » dit Mrs. Clavering. « Quant à mon revenu, » Julie s'arrêta sur ces mots, ne sachant plus comment s'exprimer pour expliquer son intention. « À votre place, Lady Ongar, » dit Mrs. Clavering, « je ne voudrais faire aucune démarche en cette affaire sans consulter. À qui puis-je demander des conseils ? Le notaire me dira de garder tout ce que j'ai. C'est là son métier. Mais connaît-il mes sentiments ? Me comprend-il ? Puis-je espérer que personne ne me comprendra ? « On pourra se méprendre sur vos motifs, » dit Mrs. Clavering. « C'est possible. C'est là ce qu'il m'a déjà dit. Mais que m'importe ? Que me fait tout ce que l'on pourra dire ? Absolument rien. » Elle s'arrêta, incapable de continuer. Il lui en coûtait de prononcer sa propre condamnation devant les autres, comme elle l'avait déjà prononcée intérieurement. « A-t-on accepté Ongar Park ?» demanda Mrs. Clavering. « Il faudra bien qu'on l'accepte. On ne peut pas me forcer de le garder si je n'en veux pas. » Si je refuse aussi la somme annuelle que la famille Corton remet à mon banquier, je ne puis pas être forcé de la toucher. Allez-vous y renoncer aussi ? Lui dit sa sœur. Oui, je ne veux pas de son argent. Je n'en garderai que ce qui sera strictement nécessaire. Cet argent m'a porté malheur dès le commencement. Et puis je n'y ai pas droit, parce que... Elle ne put achever, et se levant de son siège, elle s'en alla vers la fenêtre. Lady Clavering crut sa sœur exposée à un accès de folie. « Comprenez-vous ce qu'elle dit ? » demanda-t-elle à Mrs. Clavering. « Je crois que oui, » répondit celle-ci. Et rejoignant Lady Ongar, elle la prit doucement par le bras et essaya de la consoler et de lui faire comprendre la folie de l'acte qu'elle méditait. Se dépouiller d'une fortune que personne ne lui disputait, c'était seulement le moyen d'être utile et de faire le bien. « Du reste, » ajouta-t-elle, « la famille Ongar n'a nul besoin de cet argent. »« Cela n'y fait rien, » répondit Lady Ongar. « Et puis, pensez-vous à la manière dont je l'ai gagné, cet argent ? Vous le savez, vous, et moi je n'y puis penser sans frémir. »« Oubliez le passé, » dit Mrs. Clavering, « et ne songez qu'à l'avenir. »« Je vais espérer, » reprit Lady Ongar, sans faire attention à ce qu'on lui disait. « J'avais espéré tout réparer en donnant son argent à un autre. »« Vous savez de qui je veux parler ?» Hermione le sait aussi. J'ai cru à mon retour que je pourrais faire encore quelque bien dans le monde. Mais c'est comme on nous dit dans les sermons, le bien ne sort pas du mal. J'ai fait le mal, et le mal seul en est résulté. Il n'en sortira que du mal. Quant à être utile dans le monde, je ne vois pas comment je pourrais l'être. Les femmes qui sauront combien j'étais malheureuse ne seront pas tentés de se vendre comme je l'ai fait. » Là-dessus, elle quitta la pièce et ferma sans bruit la porte. « Pauvre femme, » dit Mrs. Clavering quand elle fut sortie. « Vous voyez, Hermione, qu'il y a des souffrances plus grandes que les vôtres. J'en doute. Elle n'a pas perdu ce que j'ai perdu. Elle a perdu ce que vous ne perdrez jamais, l'estime de soi-même. Mais il nous faut la consoler. Ne feriez-vous pas mieux de rester ici quelque temps, vous et votre sœur, ici, au parc? Si vous le préférez, ce sera au presbytère. Oh non, je veux m'en aller. Je ne pourrai rester ici. J'espère que ma sœur n'aura pas souvent de pareils accès. Et quant à son douaire, elle ne peut pas songer sérieusement à y renoncer. Je crois que c'est très sérieux. Et ne pourrait-on pas empêcher cette démarche? Je crois qu'elle est folle, Mrs. Clavering. Qu'en pensez-vous? La femme du recteur s'appliqua à rassurer l'aînée des deux sœurs et la plus faible des deux. Elle lui fit comprendre que la famille Corton n'aurait pas l'indélicatesse de profiter d'un accès de folle générosité de la part de Lady Ongar. Elle prit ensuite congé d'elle et se rendit à travers le parc au presbytère.